À quand la conférence sur le toit? Le toit? Oui, de rénovation à rénovation. Charles du toit? Ah oui, Charles Villeneuve, c'est bien. Ça va être une vraie symphonie, la conférence. D'accord. Est-ce que vous entendez bien, Marie? Cette semaine, le titre de la conférence, la numérologie au service de la conscience. Je devais amener un jeu de tarot, je l'ai oublié. Moi, je me suis dit, il va l'amener. C'est ça. On n'a pas été fort en télépathie avant-midi. Ben oui, j'étais sûr que tu l'oublierais. Et moi, j'avais déjà oublié le mien. Ça, c'est ça. C'était un peu tard. Et j'aurais voulu avoir un tableau aussi pour écrire. Ça, là, j'ai bien culpabilisé 3 personnes qui travaillent pour moi. Ah, peut-être qu'on va avoir un tableau ici avec un crayon. On ne sait jamais. S'ils sont suffisamment télépathes. Donc, la numérologie au service de la conscience. Alors, toi, tu fais la numérologie ce soir, moi, je vais être la conscience. Faire changement? C'est ça. Est-ce que la numérologie, c'est seulement l'étude de chiffres, nombres? On peut-tu décortiquer un petit peu ce que c'est d'abord la numérologie? Oui. Dans... Numérologie, logie veut dire... traditionnellement, on dit science qui étudie. Alors, numéro, numéral, science qui étudie les nombres, numérologie. Comme psychologie, ça veut dire science qui étudie l'âme. Même si les psychologues souvent ne croient pas à l'âme, psychose, c'est âme. Ça ne peut pas dire rien que maladie. C'est une psychose, c'est une maladie de l'âme. Alors, numérologie, science qui étudie les nombres, mais numérologie, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas une science qui étudie les nombres. Du point de vue scientifique, ésotérique, du point de vue scientifique, historique, on a l'anomie. L'anomie, c'est lorsque l'on nomme les choses. Alors, à un moment donné, on a nommé la composante 1. On a nommé quand il y avait... Plus que 1, on l'appelait ça 2, quand il y en avait 2. On a nommé quand il y en avait 2 plus 1, 3. On a appelé ça 3. Alors ça, c'est l'anomie, numéronomie. Par la suite, on a la logie. Puis la logie, c'est la science qui étudie les relations entre les éléments nommés. Alors on a par exemple la physionomie, le cœur, les poumons, l'estomac, le pancréas, la rate. Et on a la physiologie, la relation entre l'estomac, la rate, le pancréas, ces choses-là. En numérologie, c'est la relation entre les nombres. On a aussi, par exemple, la cosmonomie, mon homme, les choses du cosmos. On a la cosmologie, on étudie les relations entre les choses nommées. On a l'astronomie, où on nomme encore les étoiles. On a l'astrologie, où on étudie les relations entre les choses nommées. Donc, la numérologie, c'est l'étude théorique des relations entre les nombres. Maintenant, les nombres, la numérologie conventionnelle devrait être les mathématiques. Que j'allais dire, la relation entre les nombres, ça ressemble plus à de la mathématique qu'à de la psychologie. Donc, quand des individus souvent parlent de numérologie, ils devraient probablement parler de numérogonie. Après la cosmonomie, la cosmologie, on a la cosmogonie. La gonie, c'est la relation qui existe entre les parties constituantes d'un microcosme et les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en numérogonie, on devrait étudier la relation qui va exister entre les nombres, entre les individus qui se servent des nombres et entre tout ce que les nombres peuvent permettre d'additionner, de soustraire, de multiplier ou de construire. Parce que finalement, grâce aux chiffres, grâce aux nombres, on pourra faire, bon, à l'époque des pyramides, on peut faire des bateaux, on peut faire des navettes spatiales, on peut calculer la longueur d'onde d'un faisceau laser, on peut faire des choses avec les nombres. La numérogonie, est-ce que ce serait la relation entre les nombres et un événement, peu importe lequel. C'est ça, la numérogonie, c'est... un événement humain, un événement astral, un événement. C'est ça, la numérogonie, ça va être la relation entre le nombre et ce qu'il permet de constituer. Alors, si par exemple, on prend une datation, on part par exemple de l'an moins 5, on va dire de l'an 0. Bon. On part de l'an 0, on arrive en l'an 1991, ça. Et là, on va dire, 1991, ça a une signification particulière. Pourquoi? Parce que les 4 chiffres bâtissent une année qui est superposé à 1991 autres années. Et là, on va parler, après ça, on peut aller dans moins 2000, moins 3000, on peut s'amuser comme ça. Alors, on va dire, tu es né à quelle date? Tu es né, par exemple, le 22 du 7e mois 1958. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, c'était des dates. Donc, les nombres permettaient la création d'un concept temporel, d'un schéma temporel, nous permettant de cristalliser quelque part le temps. La date. On aura, par exemple, autre chose. On prend la Bible. La Bible, il y a 40 jours de déluge. Le Nazaréen s'en va dans 40 jours dans le désert. Bon, on parle de 12 apôtres. On parlera des 12 signes zodiacaux. on parlera des paquets d'affaires. Le chiffre 12 peut resservir dans... Le chiffre 12 servait théoriquement à définir l'univers parce que c'est le chiffre 1 qui symbolisait l'actif, c'est le chiffre 2 qui symbolisait le passif et c'est le chiffre 3, 2 plus 1, qui symbolisait le résultat. Puis les Hébreux, eux, avaient adopté le chiffre 21 au lieu de cela. Il y a 21 lettres dans l'écriture hébraïque. Eux parlaient encore du chiffre 2, le passif en premier, le chiffre 1, l'actif en deuxième, 2 et 1 font 3. Mais pourquoi eux ils l'utilisaient à l'envers? Parce que eux sont convaincus que l'univers. Par rapport aux autres. Ouais, c'est ça. Eux sont convaincus que l'univers a été construit d'une façon accidentelle, passive, et que maintenant l'homme peut, d'une façon active, restaurer la structure pour aller vers le résultat. Donc, 2 en premier passif, 1 ensuite, 21. Alors que la chrétienté a toujours eu l'idée, même dans le passé, que l'univers avait été créé d'une façon active. Un Dieu a créé l'univers. Le chiffre 2, c'est ce qui suit. L'homme est passif dans l'univers et il y aura un résultat. En réalité, c'est le chiffre 33 qu'on devrait prendre. Pourquoi? Mais ça, c'est une autre chose. On en reparlera dans 2-3 000 ans. C'est trop loin? Pourquoi on utiliserait 33? Parce que 33, c'est le chiffre 2 et le chiffre 1. Donc, c'est le 1 du 12 et le 2 du 21. Et c'est le 2 du 12 et le 1 du 21. C'est beaucoup plus réaliste de dire que l'univers a été accidentellement, volontairement créé et que l'être humain là-dedans est totalement passif jusqu'au jour où il sera actif pour venir à la résultante. Puis il y aura toujours deux résultantes, la résultante de l'homme ancien, la résultante de l'homme nouveau. La résultante de ceux qui s'échappent, la résultante de ceux qui restent pris. Et 21, 12, c'est des deux images miroirs, finalement, tu mets 12 et 21. Exactement, absolument. C'est aussi, 1900, dans le même exemple, c'est 1991. On a 1, 9, oui. Puis on a 9, 1 ensuite. Est-ce que ça donne une signification, ça, 1991? Ah, absolument, c'est une année où est-ce que tout le monde est mélangé. Ça va rester comme ça jusqu'en 1980, combien? Ah ben, jusqu'en 2, 0, 0, 0? Non, ce qui est intéressant, et ce qu'on va probablement voir ce soir, c'est... La puissance réelle de la numérogonie, que les gens appellent numérologie, et on va découvrir probablement, si on a le temps, dépendamment des questions de notre intervieweur, n'est-ce pas, si les questions sont suffisamment intelligentes et précises, on parlera peut-être de la numérosophie. Qui est? C'est le genre de question, qui est? Mais c'est quoi la numérosophie? Après la nomie... Juste voir si ça va à peine qu'on en parle. Après la nomie, la logie et l'agonie... La Zophie. Zophie veut dire sagesse, mais non pas dans le sens sagesse. Zophie veut dire sagesse reliée, le mot sagesse a la même racine que le mot savoir, et le mot savoir n'a rien à voir avec le mot connaissance. Donc la sagesse, ce n'est pas de la connaissance de vieillard. La sagesse, c'est un savoir instantané. La numérosophie, c'est la capacité de savoir instantanément ce que tu as besoin de savoir, mais en te servant comme véhicule de support, non pas une antenne collective, mais une technique qui peut être les nombres, ça peut être les cartes, la cartosophie, ça peut être les as, l'astrosophie, ça peut être l'humain, l'androsophie. Mais dans son cas, lui, on risque d'avoir de faire des erreurs. Anthropologie. Ouais, toi, c'est ça. Donc, la numérosophie. La numérogonie, la numéronomie, c'est uniquement nommer des nombres. Mais là, il y a des personnes que je ne verrai plus, là. Il faut bien chialer un peu, parce que ça ne donne pas l'impression que c'est moi qui le boss. Ah, c'est pas pire, merci. Il n'y a pas de lumière, en tout cas. Bon. Il n'y a rien d'écrit sur mes feuilles. En plus, il faut que j'écrive, en tout cas. Il faut que je remplisse les feuilles. Alors, il arrive ceci. Il me servent du tableau, je ne m'en sers pas. Ils vont m'attendre en sortant à l'heure. On écrira quelque chose à la fin, de retour après la pause. Merci. Merci pour le tableau. La numéronomie, c'est connu, c'est les mathématiques. La numérologie, c'est aussi les mathématiques, mais du point de vue architectural. Akhenaton, ça a été le premier qui s'en est servi. Et puis, Hiram Abiff a été un personnage aussi, d'ailleurs, qui est la réincarnation d'Akhenaton. Je dis ça juste pour tes propres renseignements personnels. Et puis, c'est le grand architecte qui, à un moment donné, a fabriqué la Jérusalem, puis le Temple de Salomon, entre autres. Et c'est lui qui va se réincarner dans Lazare. Voilà. La numérologie, c'est l'architecture surtout, les sciences cartésiennes. La numérogonie, c'est ce que les gens vont faire lorsqu'ils font de la numérologie, ils font de la numérogonie. La numérosophie, c'est ce que les gens ne font pas. C'est ce que probablement on va faire un petit peu ce soir. La numéronomie, permet de comprendre les mystères des choses. La numérologie nous permettra, en termes d'architecture, de nous servir des mystères pour arriver à construire. La numérogonie va nous permettre de rentrer dans l'illusion même de la création, parce qu'elle a été créée à partir de nombres qu'on n'a pas calculés. Mais les nombres sont créés à même la création. Les nombres n'ont pas servi à faire la création. Les nombres, ce sont des résidus de la création. La numérogonie va donc nous permettre de connaître les mystères à travers la création. Donc, avec la numérogonie, je peux prendre l'âge de quelqu'un, sa grandeur, son poids ou n'importe quoi, puis parler de lui. Puis la numérosophie, elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va prouver que toute la numérogonie est fausse. Ça va à peine de passer toute la soirée à parler des gonies puis des... Exactement. De la numérosophie après. Oui. Mais est-ce qu'elle est fausse? Elle est fausse pour le... Elle peut être fausse pour un plan puis vraie pour un autre plan, dans les deux cas. Parce que si tu fais de la numéro... Je vais essayer de me remettre ensemble, en phase avec toi, là. De la numérologie ou de la numérogonie, ça serait astral, et de la numérosophie serait... mentale ou supramentale. La numérosophie, elle est supramentale, elle est reliée au savoir instantané. Donc, elle serait vraie pour l'intelligence, elle serait fausse pour l'ego. C'est ça. Et l'inverse est vrai et faux. Oui, l'inverse est faussement vrai. C'est ça. OK. Fait que si tu fais ma... Si je te donnais ma date de naissance, je te la donnerais pas. Je vais aller écrire au tableau ici. Je sais pas si on est capable de voir. Je sais pas si on prévu un fil assez long. Hein, ils font ça à la télévision. Je vais m'arranger pour... Ça t'amène la lampe en avant. Oui. On finit par s'arranger, vous allez voir, il faut qu'on rénove l'hôtel, parce que on leur a dit dernièrement, vous voyez, votre hôtel est sale. On n'aurait jamais dû leur dire ça. Puis ce temps-là, ils rénovent, puis ils rénovent. Puis... Bon. Merci. C'est pas pire, c'est bon. Vous voyez, c'est pas pire. Là, j'ai tout oublié ce que j'allais dire, on se rassoit. Ramène la lampe. Voyez-vous, les chiffres, c'est important. Ici, on les fait là-dessus. De toute façon, c'est enregistré sur la cassette, ça fait qu'à un moment donné, si on veut se référer, on pourra toujours... L'être humain, ça a découvert que pour écrire, il fallait qu'il prenne quelque chose, on va dire un crayon, hein, les crayons n'existaient pas à l'époque, puis il fallait qu'il l'applique quelque part, on va dire sur un papier. Alors, il s'est rendu compte qu'il laissait un point. Alors, il s'est dit, je ne peux pas écrire si je ne fais pas de point. Et vous essayerez d'écrire sans faire de point au départ, autrement dit, sans mettre le crayon sur la feuille. Et l'être humain s'est dit, il y a un point. Alors, le chiffre 1 va symboliser le principe actif, je ne peux rien faire si je n'ai pas le point. Principe actif. Puis là, il s'est dit, après le point, découle n'importe quoi. Puis quand je fais le n'importe quoi, il y a deux extrémités. Alors, il s'est dit, le chiffre 2 va symboliser le passif. J'explique ça pour que les gens puissent rire avec moi tout à l'heure quand on va parler de ta date de naissance. Bon. Le passif. Je vais lui donner une fausse date. Là, dans la date, on va dire, ah, c'est un gars menteur, puis c'est un gars qui donne des fausses dates. Puis... OK. Bien, si ça fonctionne en numérologie, en numérogonie, on devrait être capable de tout savoir. Et là, l'humain s'est dit, si je fais un point puis je mets ma barre en dessous, ça me donne trois extrémités, un triangle. Alors, il s'est dit, le triangle, le chiffre 3 va symboliser le triangle, la barre symbolise, le 2 symbolise la barre, le 1 symbolise le point. Et le triangle, c'est le résultat du passif et de l'actif. Alors, on va dire, c'est le résultat. Au niveau théologique, on parlera de l'actif du père, passif la mère, parce que le père est le porteur des spermatozoïdes, ce qui fait que c'est le spermatozoïde qui est déterminant du sexe, la mère est passive là-dedans, et on dira le résultat, c'est l'enfant. On va continuer, on arrive au chiffre 4, puis là, les anciens se sont dit le chiffre 4, ça peut représenter quoi? Bien, c'est simple, un côté, une extrémité, deux extrémités, le triangle, trois extrémités, on va y faire quatre extrémités, c'est un carré, ou encore une croix. La croix, c'est aussi quatre extrémités. Le carré symbolise, pour eux, les quatre éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc, la matière, parce qu'à l'époque, on pensait que la matière était constituée de quatre éléments fondamentaux. Alors, ils ont dit le 4 symbolise la matière. Si on prend la croix, bien, la croix, c'est le passif horizontal sur le passif vertical. Alors, on dira, c'est le passif de Dieu qui descend dans le passif humain. Et ça va devenir l'épée. L'épée, c'est que le passif humain est plus près de la tête, l'homme domine. Et la croix, telle qu'on la voit dans les églises, c'est l'épée à l'envers, c'est la spiritualité qui domine sur l'homme. 4, la matière. L'homme s'est dit le chiffre 5. Mais le chiffre 5, on va y faire une étoile à 5 branches, il y aura 5 extrémités. Et il s'est dit, les 5 extrémités, c'est la tête de l'homme qui contrôle les 4 éléments. D'où le fait que le chiffre 5 symbolisera le contrôle. Ésotériquement, on se rend compte que les puissances mondiales ont comme symbole le chiffre 5 sur leurs véhicules militaires, que ce soit les États-Unis d'Amérique avec l'étoile, que ce soit les Russes avec l'étoile, que ce soit la Chine avec l'étoile. Et ils ont continué. Le chiffre 6. Mais ben, le 6, ils se sont dit, le 6, on niaisera pas longtemps. On va prendre deux triangles. Hein? 3 plus 3, ça fait 6. Alors, ils ont pris un triangle, puis ils en ont placé un autre à l'envers. Ça fait étoile de David. Certains disent le sceau de Salomon. Ça, c'est le résultat. Puis l'humain, il s'est dit, à un moment donné, le résultat, le triangle, ça ressemble à un feu, à une flamme. Ça ressemble à de l'idée, à de l'intelligence. Alors, ils ont dit aussi que le chiffre 3 va être le symbole de l'idée, de la réflexion, de la pensée. Le chiffre 6, ils ont pris deux triangles, ils se sont dit, idée positive sur idée négative égale réflexion. Alors, le chiffre 6 va devenir la réflexion. Ils ont dit le chiffre 7. Mais le chiffre 7, c'est simple. On prend 3 plus 4, ça fait 7. Alors, ils ont pris le triangle, puis ils ont mis le carré en dessous. Ça symbolise quoi? Bien, ça symbolise l'idée qui devient forme, hein? L'idée qui devient matière. Donc, la création. Parfait. Chiffre 7, création. C'est pour ça que ça a pris 7 jours pour créer. Ben oui, c'est pour ça qu'il a fallu qu'ils prennent les 2 milliards d'années de création, puis on dit on fait 7 jours. C'est ça. C'est pour ça que la Bible parle de 7 jours. Voilà. Le chiffre 8 va devenir simplement le chiffre 4, mélangé ensemble. Donc, c'est deux carrés qui sont un sur l'autre. Et ça va devenir la perfection dans la matière, matière sur matière. Mais en mathématiques, le chiffre 8 horizontal symbolise l'infini. La perfection dans la matière qui ne se dégrade plus. Le chiffre 9, c'est l'étoile de David, la réflexion, qu'on va chapeauter par un autre triangle. C'est la réflexion qui donne une idée, perfection dans la réflexion. Puis le chiffre 10, c'est le point, mais plus gros, c'est un cercle. Comme le cercle n'a ni commencement ni fin, le chiffre 10 symbolisera donc la perfection. Le 0 et le 10, c'est la même chose? Même chose, sauf que c'est sur une autre octave. Bon, le 0 et le 10, c'est pas la même chose. Le 0, c'est le 0, puis le chiffre 10, c'est le chiffre 1. Sur une octave plus haut. Sur l'autre octave, donc ça va être équivalent du 0, de cette façon-là. Si on prend un symbole bien connu, histoire de voir comment on analyse les choses. Un jour, il y a un bonhomme qui est arrivé, qui s'appelait Adolphe. Et puis Adolphe, bien, il y avait comme symbole un truc bizarre comme ceci. Les gens disaient, tiens, c'est la Svetiska. Mais les ésotéristes de l'époque, Rudolf Steiner entre autres, a dit, c'est pas la Svetiska. La Svetiska, elle est faite de l'autre sens. Hein? Ça, c'est la Svetiska. Ça, c'est la croix gammée. Ça, c'est la Svetiska. Alors, les Rudolf Steiner, puis les ésotéristes de l'époque, les puissants, se sont dit, le bonhomme qui prend ce symbole-là et qui s'en sert comme flambeau, c'est un dangereux. Pourquoi? Parce qu'il a réuni la Svetiska, qui symbolise le chiffre 7, 4 fois. Donc, qui symbolise simplement le chiffre 7, on a vu que c'est la création. La création par les 4 éléments. La Svetiska à l'envers symbolise la destruction par les 4 éléments. Alors, les ésotéristes de l'époque savaient qu'Adolf Hitler voulait détruire. Aujourd'hui, on a des mouvements qui ont des symboliques circulaires, la perfection. Et ils ont comme symbole ceci, la perfection dans la réflexion pour parvenir à la destruction par les 4 éléments. Ça, c'est le sceau, symbole du mouvement raélien, de Raël. C'est sûr, les individus, ils disent, ah non, ça symbolise la perfection, la paix, le ci, cela. Ce qui est intéressant dans la numérologie, c'est que si tu prends des vieux symboles archétypaux, tu t'en sers aujourd'hui, même si tu es bonne foi au départ, le symbole, progressivement, va te posséder, va diriger ta vie, puis va t'amener là où le symbole doit aller. Est-ce que les symboles ont des égrégores? Exactement. Ont une mémoire? Oui. C'est pour ça, à un moment donné, quand les personnes ont commencé à mettre des cornes d'abondance égyptiennes, tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont des petites cornes d'abondance, tout le monde est devenu pauvre. Pas à cause du prix de la corne. C'est que tous les gens se reliaient à un égrégore particulier, puis comme il y avait trop de monde relié au même égrégore, ils ont vidé l'égrégore, ils ont épuisé l'égrégore, donc nécessairement, les résultats ne peuvent pas être... c'était pas correct. Donc, comme un peu, des fois, ils vendent dans des revues à potins artistiques des talismans merveilleux, etc., etc., etc. Puis là, il y a des commentaires, hein? Madame Z, puis Monsieur X, puis Monsieur B, puis bon. Ils ont essayé ça, puis eux autres, puis ils se sont guéris, puis ils ont fait de l'argent. Ça fonctionne. Sauf que il n'y en a pas beaucoup en circulation. Mais quand ils en vendent, après ça, tu plains tout le monde, là. Ça marche plus. L'énergie est diluée. Tu manques de lumière, je sais pas si tu es malade. Non, ça va. Habituellement, tu es plus clair que ça. Plus brillant après la deuxième partie. Oui, c'est plus brillant après ça, c'est ça. Maintenant, la numérologie au service de la conscience. Là, avec tout ce que tu as avec tout ce que tu as défini, là, là. On est en train de t'amener. Ah, regarde ça. Ah, c'est. Ah. Avec tout ce que tu as défini dans les chiffres. Alors, tantôt, tu as dit que les chiffres ont été créés, ont été amenés sur le plan terrestre par une impression ou de ce que c'était comme forme. Ça détermine de la quantité, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on a un verre d'eau, mais ça détermine aussi du temps. Ça détermine aussi de la qualité. De la qualité. Donc, ça détermine beaucoup de choses. Oui. De dans 0 à 10, il est bon comment ton verre d'eau? La qualité. Ouais. Dans la numérologie, comme on l'entend traditionnellement, on s'en sert pour étudier pas une quantité, mais une qualité d'état ou une qualité d'être par rapport à une date, par rapport à un temps qui est arrêté. Ça dérange pas si... Non, j'aime ça. J'aime bien mieux quand t'es là-bas. Je peux te dire n'importe quoi, t'es plus loin, tu peux pas me frapper. Bon, ça y est, c'est devenu des jambes. OK, dernier fil. Je te l'ai dit, amène ta chaise en avant. Numéronomie, qu'est-ce que c'est? On voit un objet, on dit pas le mot 1, on voit, on nomme, on nommera, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, là, ça fait une lampe de trop. Bon. Voilà. Ce qui est intéressant dans la numérologie, les mathématiques, c'est une petite histoire que je vais vous conter pour vous prouver que l'illusion est bien réelle. Tu la connais déjà. C'est trois bonhommes qui vont dans un hôtel. Ouais. Alors, les trois bonhommes, ils rentrent dans un hôtel, et puis là, le tenancier, il les reçoit, puis il leur dit, écoutez, j'ai seulement 2 lits dans la chambre qui me reste, ce qui fait que, ben c'est ça, vous allez devoir vous en contenter. Les gars, ils disent, pas de problème. Le gars dit, OK, c'est 10$ chacun. Fait que chaque mec paye 10$. Fait que le tenancier, il ramasse avec 30$. Égal 30$. Là, les gars rentrent dans leur chambre. Là, le tenancier, il se dit, ouais, mais c'est pas mes mecs corrects, franchement, il y a un que 2 lits, puis ils sont 3, fait que... Moi, là, remettre 5$. Fait que là, il va voir le gars d'ascenseur, puis il prend 5 billets de une, 5$, puis il dit au gars, tiens, monte à la chambre 304, puis remets ça au gars, ils sont 3, parce que je vais leur chercher seulement 25$ pour la chambre. Le gars d'ascenseur, il part avec les 5 billets, puis il monte dans l'ascenseur, puis en montant, il se dit, ouais, mais ils sont 3, 5$, ça se divise pas en 3. Il m'a gardé 2$, puis il va rester ça, 3 billets de une, il m'a leur donné chacun, il va être content. Fait que le gars d'ascenseur, il garde 2$ pour lui. Quand il arrive dans la chambre, il cogne, les trois gars viennent. Fait qu'il remet 1$ à chacun. Les gars sont tout contents. Les gars ont payé 9$ en tout. Vu qu'on leur a tous remis 1$. Ils ont payé 9$ chacun. Ah, c'est ça, chacun, merci. Écoute, faut que tu le fasses. C'est bien quand je me trompe. Ils ont payé chacun 9$, c'est facile, c'est qu'on vous suivez bien. 3 fois 9, ça fait quoi? 27 plus le 2$ du gars, ça fait 29. Bien, il y a 1$ qui est disparu dans les mondes parallèles. Puis refaites les calculs tant que vous voudrez. Il manque une pièce, il en manquera toujours. Bon. Là, quelqu'un va dire, un instant, c'est parce que tu n'as pas procédé de la bonne façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir un bon résultat, il faut avoir une façon mathématique. Ça veut dire que si on fait des mathématiques totalement mathématiques, mettez ça dans une calculatrice, ça arrive à 29. Ça veut dire que quand on calcule n'importe quoi avec nos mathématiques, on peut carrément être à côté de la traque parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait passé le fil en dessous du fil. Voilà. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte du cheminement. Alors, à un moment donné, ça devient politique, l'affaire. On dit, écoute, c'est pas bon parce qu'il faut qu'il arrive à 30. Là, on va réinventer un cheminement aussi mathématique qui va nous amener à 30. Mais celui-là, le recommencez-le 40 fois, vous allez voir, il arrivera toujours à 29. Puis il est totalement parfait. Les calculatrices vont vous donner le même résultat. Ça, c'est pour la numérologie. Les mathématiques conventionnelles et ordinaires font partie de l'illusion. Même si l'humanité dit, si c'est mathématique, c'est vrai. Ouais. Théoriquement. Ça reste à voir. C'est ça. Maintenant, on va y aller avec un numéro Kugoni. On parle de toi, là. Je tiens pas. Y a-t-il quelqu'un qui a une date de naissance? Je l'ai dit. Donne-moi une date de naissance. Donne-moi ta date de naissance au hasard. Au hasard. Ouais. Donne-moi ta date de naissance au hasard. Vas-y, je t'écoute. 30 novembre 56. Je l'aime pas. Donne-moi un autre. On peut faire celle-là, si tu veux. Donc. 22 octobre 1741. Ouais, celle-là est plus précise. Octobre, c'est le 10e mois. Oui. 22 octobre 1741. Ça va là? Non, c'est pas nécessaire. C'était pas fiable à l'époque. Elle a dit que j'avais pas de monde à ce temps-là. C'était pas fiable à l'époque, tu vois. 1741. Premièrement, c'était pas une bonne année pour les humains. Bon. C'était pas une bonne année. Normalement, ce qu'on va faire, pour étudier l'année en numérogonie, on prend le chiffre 1 et on va dire qu'il y a un principe actif, avec les symboliques que j'ai donné tout à l'heure. On dit que le chiffre 7, il y a un principe créatif. Donc, 1741, c'est une année active qui permettait la créativité. Le 4, matière. Matière à réflexion. Le 4, c'est la matière, on l'a vu tout à l'heure. Et le 1, c'est le principe actif. Les personnages qui naissent en 1741 ont toutes les possibilités de parvenir à créer énormément et à faire énormément d'argent. C'était bien, ça. T'étais banquier, toi, hein? Oui, financier. Non, financier, financier. C'est une bonne année pour ça. Mais là, vous allez dire, tout le monde qui sont venus au monde à cette année-là, on peut tout être des... Non, ils ont servi les financiers. Ils leur ont donné de l'argent. Fallait voir d'autres choses. Merci. Le chiffre 10, qui est le mois. Le chiffre 10, c'est encore une fois, on l'a vu, c'est 1 plus 0. Ça fait 1 quand même, qui est le principe actif. Ceux qui naissent le mois d'octobre 1741 seront très actifs. Auront une possibilité d'exprimer leur créativité. Le 22. Le 22, si on se fierait au tarot, on sait que c'est la carte qui symbolise le monde. Certains disent le fou, ce n'est pas des tarots. Dans les deux cas, c'est parfait. Mais là, il va encore, 2, c'est le passif. 2, c'est le passif. Ça veut dire que normalement, toi, à cette époque-là, tu n'auras pas besoin de vouloir devenir riche. Tu vas devenir riche. Mais c'est une richesse matérielle, parce qu'encore là, 2 et 2 font 4, on reste dans la matière. Maintenant, on additionne. 7 et 1, ça fait 8. Perfection dans la matière, dans ceux qui naissent ces années-là. 4 et 1, ça fait 5, et ils contrôleront leur perfection dans la matière. Ce qui vient résumer ce que je viens de dire en haut. On additionne 8 et 5, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va placer le 13. Et on additionne le 13, ça fait 4, encore de la matière. On prend le 10, on l'a vu ici, c'est l'actif, ça c'est la matière, puis on prend le 22 ici. Le gars qui naît, ou la fille qui naît le 22 du 10, 1741, il a matière, actif, matière. Il est nécessairement, ça confirme le reste, il va probablement être extrêmement riche. Et pas parce qu'il veut, il reste un principe passif. On a vu 4, on a vu 1, on a vu 4. 4 et 4, ça fait quoi? Ça fait 8. Perfection dans la matière. Et le mois vient encore nous amener un 1, qui est le principe actif. On additionne les deux, ça donne le chiffre 9. L'individu, vers la fin de sa vie, va probablement être pas malheureux de sa matière, mais va probablement tout donner, tout délaisser, tout abandonner, et il va transmuer la richesse matérielle en richesse spirituelle. 9 étant le symbole de la perfection dans la réflexion, symbole au niveau du tarot de l'ermite, donc du sage, de celui qui sait. Ça, ça a dû être ta vie à cette époque-là. Puis probablement que ça fait vibrer des cordes quand je te dis qu'à la fin, le gars a dû tout changer au complet. Bon. Mais c'est pas tout. C'est intéressant, intéressant. Puis là, vous voyez que je n'ai rien interprété au niveau des chiffres. C'est les symboliques que j'ai définis tout à l'heure. Le 2, c'est le passif, etc. Le 4, c'est la matière, la création. Et tout ça au complet, c'est intéressant, ça concorde. Mais ce sont des mathématiques. Ça semble toujours logique. Voilà. Mais tu as autre chose que tu veux savoir sur ces années-là? Non, ça va. Il faut passer à quelqu'un d'autre, là. Non, mais là, je ne vais pas faire la numérologie des gens. Je vais faire chez collecte. Non, mais quelqu'un d'autre. Je peux te donner une autre date. Il faut qu'on collecte. Je peux te donner une autre date. Oui, demande-moi une autre date. Sérieusement? Ben. 4 juillet 1213. Ah! Là, c'était pas pareil. Premièrement, on va y aller avec l'année pour faire la même suite que tout à l'heure. Le 1, actif, passif, actif. Passif avec un B, oui. C'est très passif. Et 3, le résultat. Le 7, création. Le 4, matière. C'est une année active, passive, active, réaction. C'est une année de guerre. C'est une année où on est actif, où on est passif, où on est actif, puis il y a des résultats, il y a des constatations. 1213, c'est une année de guerre. Sur la majorité du phénomène, partout où on vit avec la chronométrie 12-13, c'est une année de perturbation et de guerre. 7, ceux qui naissent le septième mois sont des êtres créatifs. Et ceux qui naissent le 4 naissent dans la matière. En partant, tu nais dans une famille qui est... Si elle n'est pas riche, En tout cas, avide en matière, elle veut le devenir. Ça marche comme des, comme le monde de l'époque. C'est cochon un peu, tu sais, c'est bon. Si on additionne un peu, je pose des petits détails, si on additionne un peu, ça va nous donner ici le 4, on laisse dans le 4, il reste 4. Le 7 va rester le 7. 2 plus 1, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. Plus 1, on en revient encore à 7. L'individu qui naît dans le 4 du 7, 12, 13, c'est un individu qui sera dans la matière. Lui sera créatif et sera créatif. Donc, normalement, il devra être matériellement... il voudra probablement se battre pour la matière. Mais vu qu'il est créatif, créatif, ce sera probablement un personnage qui va être un bon guerrier. Il va même être capable d'innover là-dedans. Ce guerrier-là, à la fin de sa vie, a décidé de se repentir. C'est de lui qu'on parle. De toute façon, de vie en vie, on va se suivre. Écoute bien, ça a l'air organisé, ton affaire. Ouais, là. C'est ça que j'avais dit, là. C'est ça. Alors, finalement, on en revient encore... On est supposé d'avoir du libre-arbitre, t'avais dit, hein, l'autre fois. Eh non, le libre-arbitre, il est pour les spiritualistes. Alors, ce qui fait que, finalement, donc, notre guerrier est un grand guerrier. Un grand guerrier, il faut s'entendre. Pour l'époque, c'est un grand guerrier, parce qu'à l'époque, c'était un... Bon, aujourd'hui, ce serait plutôt un cochon, c'est un salaud. Pour l'époque, c'était pas pire. Puis, vers la fin, il finit par devenir un moine, c'est-à-dire un moine militaire. Donc, il va mettre son épée au service beaucoup plus de ceux qui cherchent la foi ou ceux qui recherchent la conscientisation, disons l'évolution à l'époque, plutôt qu'au service de ceux qui recherchent la matière. C'est un peu comme s'il faisait, il ferait les croisades, là, je ne parle pas des croisades, mais disons, il ferait les croisades, puis à la fin, il serait écroisé de faire les croisades. Il aurait ras-le-bol. Il se rendrait compte que c'est pas ça. On cherchait la matière et non pas le phénomène spirituel. Là, s'il serait bien salaud, il dirait le 0-0-0. Hein, parce que l'an zéro, à un moment donné, à minuit, l'an zéro, c'était le 0-0-0. Mais est-ce que c'était vraiment le 0-0-0-0? Non, sauf qu'au niveau chronologique, si on prendrait le 0-0-1900-00, là, ouais. Avec des zéros. Oui, on pourrait la faire, ça, là, la numérologie du Nazaréen. Ben absolument. Ça donne quoi? Ça donne perfection, perfection, perfection, perfection, perfection, perfection. Celui qui naît là est totalement parfait. Ça veut dire que l'individu qui va naître à l'endroit exact où on va commencer le calendrier est un être parfait. C'est ça que la numérologie te donne. C'est sûr que le Nazaréen est né quelques années avant l'an zéro. Mais au niveau numérologique, c'est pourquoi je dis tout à l'heure que la numérosophie peut jeter à terre la numérogonie. C'est qu'au niveau numérologique, on s'est basé sur l'an zéro pour décider que le Christ venait au monde là. Et nécessairement, c'est qu'on s'est basé sur la perfection d'un personnage. Ce sera un petit peu long à expliquer au niveau des manipulations astrales, mais si on fait le thème de naissance du Nazaréen, ben on a juste des zéros. Est-ce que c'est pas lui qui détermine le reste. Donc, c'est une perfection. C'est justement parce qu'on a constaté la perfection qu'on a décidé de remettre le chronomètre à zéro, parce que ça correspondait ça à la perfection. L'état de l'humain qui était là. Donc, même s'il n'y avait pas zéro année, s'il n'était pas bébé. Mais on aurait pu le mettre n'importe où. L'important, c'est qu'on serait resté quand même à zéro, ce qui fait qu'on aurait eu un schéma similaire. Pourquoi tu utilises des vieilles dates? C'est-à-dire, c'est les dates que tu m'as données, écoute bien. Non, mais je t'ai donné ma première date de naissance et tu m'en as demandé d'autres. Parce que je ne veux pas parler de toi actuellement, ça ne regarde personne. Mais parler de tes vies du passé, ça serait... Mais est-ce que ça, c'est de la numérologie pareil? Vous avez qu'à aller lire les livres d'histoire, vous allez pouvoir fouiller à sa famille, je sais pas. Ben oui, c'est de la numérologie. La numérogonie. Gonie, ok, c'est ça. La numérogonie. Les mathématiques, c'est de la numérologie. Alors les gens, quand ils parlent de numérologie, ils font des additions. Est-ce que ça, on peut servir de numérogonie comme ça, pour s'aider, là, parce qu'on dit au service de la conscience, au service de la vie, au service de... Qu'est-ce que ça me donne? Ben là, moi, ça me donne quelque chose. Là. Oui, parce que t'as appris des... Mais il n'y a pas... Ça flatte ton ego. Non, pas très. T'es un salaud toute ta vie, mais tu te repentis à la fin. C'est ça. Deux fois de fil, c'est pas pire. Ça explique certaines erreurs. Mais... J'espère que ça ne t'attendra pas à la fin. Non, là, on n'est plus de matière, ça que... Ouais, c'est vrai, c'est... J'ai réglé ça en commençant, là. C'est la matière qui était allée à l'église, coup-là. C'est ça. Elle s'est confessée de toi. Est-ce que ça sert à quelque chose de savoir ça? D'utiliser de la numérogonie ou de la numérologie ou de la numérologie? Bon, vous avez vu comment c'est intéressant. En tout cas, fait par quelqu'un qui sait comment on l'a fait. Et... Si on prendrait les dates de naissance des individus ici, on pourrait effectivement déshabiller le personnage, là, puis vous reconnaîtriez à la perfection. Et par la suite, on ferait quoi? Ben, regardez ce qu'on ferait par la suite pour faire encore un peu de numérogonie, puis c'est important qu'on comprenne toute l'affaire pour passer à la numérosophie. Bon, il y a le rouge, voilà, je ne sais pas si c'est pareil. On y va présentement avec ce que tu vis aujourd'hui. D'accord? Mm-hmm. Ça te va? Mm-hmm. Puis si tu plaignais qu'on prenait des dates du passé. Tu me donnes un chiffre compris entre 1 million et 4 885 625 244. 28 214 000. Ouais. Pourquoi je demande un chiffre comme ça? 2, 8, 2, 1, 4, les zéros. Perfection, perfection, perfection. Hmm? Bon. 4, matière, actif, passif. Perfection dans la matière, passif. Pourquoi je demande un grand chiffre? Premièrement, pour pouvoir en dire un peu plus. Hein? S'il me donne le chiffre 4, ben moi, il dit matière. C'est matière, matière à réflexion. Et en plus, si je vous demande, donnez-moi un chiffre. Ben, vous avez des chiffres habitués. Hein, le chiffre que vous prenez toujours à la loterie, votre âge, votre date de naissance, vous donnez des chiffres comme ça. Si on part d'un million et on va n'importe où, vous ne connaissez pas les chiffres, mais inconsciemment, vous connaissez le résultat numérologique des chiffres. C'est-à-dire, lui, il me donne 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il m'a donné le chiffre 17. Mais il ne sait pas. Puis en me donnant le chiffre 17, il me donne 7 plus 1, il me donne 8. Mais si j'aurais demandé de moi un chiffre, son ego va dire tout de suite, bon, ben, t'as un peu lequel est le meilleur? 9. Ouais. Alors là, présentement, ce qu'il vit, et c'est pas bon pour demain, mais c'est pas bon pour hier. Présentement, ce qu'il vit, c'est un être qui est passif. Sa passivité l'amène progressivement à perfectionner toute la gestion ou la vision de la matière, mais il ne pourra pas rien faire avec encore, il reste encore passif. Bien qu'il sente très près de lui une mécanique active, il pourra prochainement faire quelque chose, mais ce n'est pas encore le temps. Et il aura un résultat très matériel, donc prochainement, il va être capable d'aller faire de la matière. Et est-ce qu'il va devenir débile avec ça, 3 fois P, c'est-à-dire, on parle des zéros, donc perfection, perfection, perfection, il n'y a plus de danger. Il y a déjà eu du danger. Il n'y a plus de danger. 3 fois. C'est le résultat, 3, sera la perfection, c'est une confirmation. Plus de problème. Maintenant, si on regarde le chiffre 17 qui donne le chiffre 8, ça veut dire perfection dans la matière. Ça veut dire que présentement, tu as tout à fait la vibration pour, dans ce que tu vas faire comme travail, réussir à, convenablement au niveau matériel. Tu ne gâcheras pas la matière, tu ne gâcheras pas de l'argent, tu ne dépenseras pas comme ça. Si je pense que je vais m'associer avec toi ce soir, voilà, là, tu sais, à la retraite tout à l'heure, j'ai des affaires à suggérer, à te proposer. Ça reste encore de la numérogonie. Alors, je peux prendre, par exemple, n'importe qui, et puis on prend un chiffre comme ça, et puis on s'amuse. On le défait au complet, puis on voit. Mais ce qui est intéressant... Et ça, tu as dit tantôt, c'est bon pour aujourd'hui, c'est pas bon pour le gars, c'est pas bon pour demain. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on sort au moment où on le vit, là. Oui. Ça veut dire que ça évolue, parce que c'est un chiffre qu'on ne peut pas apprendre par cœur, ou tu nous fais sentir... Donc, c'est plus... Moi, je considère que ça, c'est plus vrai, c'est plus précis qu'une date de naissance, comme Absolument. Si j'avais donné ma date de naissance actuelle. Absolument. C'est beaucoup mieux, ça. Là, on se rapproche de la numérosophie. Parce qu'on Pourquoi? Parce qu'on a pris un chiffre spontanément, instantanément, et non pas un chiffre dans la mémoire. Vous allez voir un numérologue, il vous demande votre date de naissance, vous lui dites le 17 septembre ouais. 1825. Parce que notre date de naissance, elle reste la même, mais nous autres, on change. Exactement. La date de naissance, c'est ce qui va t'obliger à bouger, puis dans l'ère ancienne, l'être humain reste figé à devoir suivre une destinée. Quand l'humain commence à se conscientiser, il commence à avoir une liberté dans sa conscience qui fait que la date de naissance ainsi que son signe astrologique, c'est plus fiable. C'est plus fiable du tout. Donc, on ne s'y fie plus. Bon. Mais autre chose, on se rapproche de la numérosophie parce que j'ai pris un chiffre spontané. C'est comme je disais à quelqu'un, donnez-moi un chiffre entre 1 milliard et 3 milliards. Ben, vous me donnez un chiffre spontané. Là, on se rapproche de la numérosophie. C'est beaucoup plus précis. Mais regardez maintenant ce qu'on va y faire à la numérosophie. Le chiffre 1 symbolise quoi, monsieur? L'éternité. L'éternité. Le chiffre 1 symbolise l'éternité. Le chiffre 2 symbolise quoi, madame? La dualité. La dualité. Le chiffre 3, madame, symbolise quoi? Donnez-moi quelque chose d'autre. Inventez-moi une affaire. Créativité. Le chiffre 4. Destruction. L'instruction? Destruction. Tu m'aurais étonné aussi de ta part. Moi aussi. Destruction. Juste ça que c'est dit. Surtout s'ils sont végétariens et anglais. Parce que tu allais dire surtout si c'est avec toi. Le chiffre 5. Madame. Persévérance. Persévérance. Même si Fouquet a quelques défauts. Le chiffre 6. Un défaut. Aptitude. Non, un défaut. Inaptitude. OK. Le chiffre 7. L'amour. L'amour. Ça, c'est un défaut. Le chiffre 8. 8, 8, 8, 8. La volonté. La volonté. OK. Le chiffre 9. Une autre personne. Là, il ici avec une barbe, là. 9. On a déjà persévérance. On l'a déjà. Un défaut. Orgueil. Ah, ça s'en vient. Orgueil. Il me plaît, celui-là. Vu qu'on va parler de lui encore, je vais autant mettre des mots qui vont y aller. Hey, choisissez vos mots, s'il vous plaît. Le chiffre zéro, toi. Néant. Comment? Néant. OK, ça vient de loin, néant. Néandertal, tu connais? Néant. Bon, maintenant, on va faire de la numérologie. Allez voir, ça marche aussi bien. Tu me donnes un chiffre. Ouais. Une date de naissance, ou quoi? Okay. Un chiffre. Un chiffre, 713. 713. Bon. Présentement, qu'est-ce que son égo vit? Son égo vit de l'amour. Le 1, éternité. Et le 3, créativité. Bon. On voit que c'est... En tout cas, moi, je sais que ça va bien. Maintenant, on additionne quand même pour voir les résultats, là. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ça, c'est ce qui peut être, là. 3 et 1 font 4. 4, c'est la destruction. Son amour, le besoin d'éternité, c'est que sa créativité peuvent encore l'amener à détruire ce qu'il est lui ou son entourage. Destruction, on s'entend, c'est pas avec un épée. Mais c'est... Et le chiffre 7 qui symbolise encore une fois l'amour, on le laisse ici. Ton amour peut être dangereux. Encore. Ça va, hein? C'est bon. Mm-hmm. Hey, moi, gardez ça, moi, là, on va en faire un livre. Ah, un instant. Ceux qui ont donné les affaires, moi, vous donnez une petite cote. On va en rendre plein. Et puis là, on additionne 4. Le contrôle de la matière, là, c'est... C'est moi, ça. C'est monnayer son intelligence, là. Je voudrais faire ta numérologie, moi. Non, mais je le dis souvent au séminariste. Ce qu'il faut, c'est qu'il m'arrive à monnayer son intelligence. Comme ça, il gagne de l'argent et du temps. Là, il est libre pour avancer. Il a la paix. C'est... Ah oui, parce qu'on pourrait en voir. C'est facile, faire des affaires. Du moins qu'on se laisse aller et qu'on se fait confiance. Ça veut dire qu'on n'a pas de doute. Alors, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 donne 2. Un plus 1. 2, ici, c'est la dualité qu'on a dit. Présentement, donc, tu n'es pas, on peut pas dire qu'avec ton amour, tu vas détruire, mais tu es encore, c'est un pivot duel. C'est une dualité totale. C'est pas encore accompli que tu ne détruiras pas avec ton amour, c'est pas encore accompli que tu vas détruire. Donc, on peut voir que cette numérosophie, pourquoi Zophie? Le chiffre est tiré de l'instantané et la description des symboles a été aussi tirée de l'instantané. Là, c'est de la numérosophie. On sait ce qu'on a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'on le sache. C'est typique de la conscience supramentale. Et moi, pourquoi j'aime mieux ça? C'est qu'au lieu d'être limité avec, à partir de symboliques qui ont tellement servi qu'ils peuvent nous colorer, eh bien, on décide qu'on va nous-mêmes repartir à neuf. On part d'une ère nouvelle, là. On va nous-mêmes se faire nos propres symboles. Alors, on détermine les symboles qu'on a besoin. Qu'est-ce que monsieur ici veut savoir dans sa vie? Ben lui, il dirait, ben écoute, moi, je veux savoir s'il m'a offert ça, tu sais, toute la vie au complet. Parfait. Bon, on part avec des chiffres, puis donne-moi des positifs et des négatifs de tout ce qui t'entoure ou dans ce que tu veux savoir. Puis après ça, ben là, on part avec un chiffre qu'il ne peut pas connaître. Donne-moi un chiffre de 1 million en montant. Ben, 1 million, bon, tu sais, il va comme ça. Et par la suite, ben là, maintenant, on va savoir exactement. Mais là, vraiment exactement ce qu'il y en est. Est-ce que là, on peut dire qu'avec la numérosophie, c'est l'intelligence qui te donne de l'information qui, normalement, n'est pas capable de te la donner parce que l'ego la filtre. Puis là, l'ego, il est fait parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Puis c'est des mots qui viennent de tout le monde. Puis c'est mélangé, il n'y a pas de forme. Il peut donc pas prévoir ce qui va arriver. Mais oui. Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est que le premier chiffre que tu m'as donné au hasard, on a flatté son ego. On a défini des choses qui sont jolies chez toi. C'est vrai. On a dit que tu étais prêt de t'en sortir, puis etc. C'est vrai. C'est des choses que tu sais en plus. Tout ce que je lui ai dit tout à l'heure avec le grand chiffre, là, c'est des choses qu'il sait. Il peut me dire c'est vrai. Mais avec ce que vous m'avez donné, puis le chiffre qu'il m'a donné, ce que je lui ai dit, c'est des choses qu'il refuse de savoir. Et ça, c'est un mot tellement plus évolutif ou conscientiatif, conscient, oui, la deuxième partie, le temps chiffre, parce que là, effectivement, c'est beaucoup plus profond. Et c'est pas faux. C'est surprenant. Mais là, ça va servir. Là, on parle de numérosophie. Alors, la numérologie, évidemment, ne soyez pas déçus parce qu'on n'a pas parlé de la numérologie au service de la conscience. On l'a amené, la numérologie, à se mettre au service de la conscience. Et c'est devenu de la numérosophie. Puis la numérosophie, nécessairement, si on parle de la conscience supramentale, la conscience vivante, elle est nécessairement instantanée. Et là, n'importe qui, sans lire de livres, sans connaître les traditions, sans rien savoir, ben, il dit simplement, écoute, on va dire que bleu, c'est telle affaire. Mauve, c'est telle affaire. Vert, c'est telle affaire, etc., etc., etc. La chronosophie, la chromatosophie. Et puis là, on reprend des couleurs qu'on connaît qui sont sur différentes toiles, des peintures. La personne dit à la personne, bon, ben regarde, passe dans mon salon, là, puis dis-moi laquelle qui te plaît le plus. Il faut que la personne ne les ait jamais vues avant. Ça peut être des dessins à l'avoir fait. La personne dit, ah, c'est celui-là qui me plaît le plus. Parfait. Il y a du bleu, le bleu on a dit c'est l'affaire, du rouge, le rouge on a dit c'est l'affaire. Maintenant, il y a beaucoup de bleu, donc on peut penser que ça va être plus facilement interprété. La chromatosophie va fonctionner aussi bien. Est-ce que dans les lettres aussi, parce que j'ai déjà vu des gens qui prennent un mot, qu'ils dissèquent en chiffres, puis ensuite ils prennent des chiffres, c'est de la numérologie aussi? Oui, on va analyse de noms, de prénoms, de... Daniel, ça veut dire le dieu du jour. Puis Kem, ça veut dire le champ. Le dieu du jour qui travaille dans le champ. Le dieu du jour, le prix du champ. Moi, bon, mais vu-tu, je dis ce que ça veut dire, Charles Villeneuve? Non, continue. OK. Qui est marié à José Châteauneuf. Oui, exactement, oui. Alors, on a dit, on pense Charles. C-H-A-R-L-E. S. Pourquoi ils mettent un S? Parce que la majorité des Charles sont très orgueilleux. Alors, ils sont comme plusieurs. Parce qu'ils en valent plusieurs. C'est ça. Oui, dans l'orgueil. Pas mettre deux S. Deux S. Non, ça va fausser la numérologie. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit A, B, C, c'est le troisième chiffre, c'est vos trois. Bon, A, B, C, D, E, tu prends toutes les lettres, puis tu leur donnes une valeur numérique. Un. Exact, c'est ça. Cinq pour le E, etc. On leur donne, bon, le S, je crois que c'est cinq aussi. On leur donne des valeurs numériques en fonction simplement du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. 27, ou... La personne a dit, ouais, mais moi, je pars avec 0, 1, 2, 3 plutôt que 1, 2, 3. Ça ne dérangera rien. Si vous ajustez votre interprétation à ce que vous allez décider que ça vaut. Le chiffre 3 vaut quoi? Tout à l'heure, on a vu qu'est-ce que ça valait, le 3. On peut prendre ça. C'est sûr qu'on peut décider que le chiffre 3 vaut le résultat. On peut prendre le système traditionnel. Mais le système traditionnel va vous dire des choses qui ne vous serviront à rien. Le système traditionnel, donc la numérologie traditionnelle, celle qu'on voit un peu partout, elle va servir à vous dire des choses utiles dans votre cheminement évolutif. Là où vous n'avez aucun libre-arbitre et aucun contrôle. La numérosophie va vous amener de l'information qui vous sera utile dans votre conscientisation. Et dans la conscience, l'humain est libre, pas dans sa vie pratique. Est-ce qu'on peut comparer les deux, ça servir de la comparaison entre les deux? Si on prend le prénom, on prend dans mon exemple, on prend Charles comme prénom, il y a un égrégore. On va être plus exact en réalité, je devrais être capable, oui. On va être plus, le prénom, ça n'existe pas. C'est le nom et le nom de famille. Parce que dans le passé, l'humain était collectif. Il y avait le nom, Villeneuve. Hey, Villeneuve, viens ici! Il y avait le prénom pour le séparer du reste de la famille, le séparer de son père. Lequel t'appelle? Charles. OK, ben Villeneuve, il t'appelle, tu sais. Bon. Mais aujourd'hui, quand on se conscientise, on sait très bien que le nom, le prénom que t'appelles est beaucoup plus représentatif de l'individu. Alors, c'est plus le prénom. C'est pas le mot qu'on met avant le nom. C'est le nom, okay. Puis c'est le nom de la famille après. Donc, est-ce qu'on peut dire que si on prend la numérologie traditionnelle, si on prenait un livre, si on prenait Charles, et puis qu'on disséquait Charles, c'est ce que ça ressemble à l'égrégore de l'ensemble des Charles que ça planète? Ou disons c'est que c'est l'influence du prénom sur l'individu. Oui, c'est pourquoi normalement on va prendre Villeneuve aussi, puis on va additionner toute l'affaire au complet pour avoir une meilleure idée de tous les Charles Villeneuve. OK. Alors que si on prend la méthode que tu as pris après, on reprend le même nom avec l'énergie de ceux qui ont donné 1, 2, 3, 4, 5, la définition des mots, et que là, on trouverait plus le personnage qui est dans le corps physique qui s'appelle seulement le sens. Si les individus qui donnent les définitions des nombres te connaissent. OK. Et là, ce qui est intéressant, regardez ceci. Vous venez me voir, je vous tire au cap. Ça vous dit, hey, c'est vrai, wow, c'est bon. Moi, ouais, c'est vrai, je vis ça présentement. Bien, bien correct. Là, vous venez, là, on prend les tarots, par exemple, on invente des cartes, on met n'importe quel symbole dessus, on fait écrire dessus pestiféré, on met, tu sais, on met des. Bon. Là, je vous retire aux cartes. En réalité, c'est pas ce qu'on fait. Bon, je rencontre votre famille. Là, je leur dis, le chiffre 1, là, ça veut dire quoi? Vous donnez une affaire, chiffre 2, chiffre 3, puis on se ramasse avec 22 cartes pour faire comme les tarots. Là, après ça, je vous prends. Là, je vous tire aux cartes, qui est une façon qui est particulière. Et puis là, j'étale mes cartes. Mais là, je vous dirai pas, ah, ben présentement, vous vivez une partie, tu sais, puis vous avez déjà eu des problèmes. Mais non, c'est pas ça qu'on va vous dire. Là, je vais vous dire, avec les cartes, ah, vous êtes, t'es une ou t'es un maudit menteur. Ouais. T'es un maudit hypocrite. Et puis présentement, bon, tu passes ta vie à essayer de fourrer tout le monde, puis tu y compris. Les tarots disent pas ça, ça. La cartosophie, la numérosophie, elle va nous amener à trouver des choses qui vont taper droit dans l'ego. C'est de l'intelligence supramentale qui va traverser par la mécanique qui a été innovée dans la spontanéité. Puis là, on va aller chercher exactement des points où tu auras intérêt à t'égoïser. Comme tout à l'heure, on a vu que ton amour peut être destructeur. Quelqu'un va dire, ben voyons, non, si j'aime quelqu'un, il y a beaucoup de parents qui étouffent en aimant trop. Puis il y en a d'autres qui se culpabilisent tellement de ne pas être capable d'eux que finalement, ils ne font plus rien. Donc, c'est des destructeurs encore, leur amour. Il y en a d'autres qui vont aimer leur emploi plus que, bon, ça peut détruire encore. Il y en a d'autres qui s'aiment trop au détriment d'une délégation, ils vont détruire. Il y a des choses à apprendre. Mais là, avec d'autres chiffres, on pourrait tout trouver l'affaire. La numérosophie, l'avantage qu'elle va avoir, c'est que c'est un gros coup de poing direct sur l'ego. T'sais? Là, on va réellement frapper avec quelque chose qui va être capable de servir l'humain immédiatement. Ouais, mais moi, je veux savoir, j'étais pour être riche. Ça, tu ne sauras pas ça avec la cartosophie ou avec la numérosophie. Non, tu vas savoir ce qu'il faut pour t'amener à l'immortalité. Tu vas savoir ce qu'il faut pour t'amener à plus avoir besoin d'être riche. Tu vas savoir ce qu'il faut pour t'amener à te conscientiser. Reviens à ma question de tantôt. Parce que... Mais revenez à ma réponse. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est nous autres qui se parlent, dans le fond? Est-ce que c'est notre intelligence qui nous dit, avec la numérosophie, ou qui nous dit par la bouche des autres, là, tantôt je vais te dire toi, puis ça va vouloir dire ça, mais le seul moyen que je puisse te le dire, c'est que je passe par un canal, par un système, par une carte, par un mot, par un chiffre. Mais c'est l'ajusteur de pensée. Parce que l'ego ne comprend rien. Ou il teinte, ou... Fait que là, je vais te le faire dire par quelqu'un d'autre. C'est l'ajusteur de pensée. Et tous les humains ont des ajusteurs de pensée. La majorité ont des ajusteurs qui sont branchés au canal réincarnationnel jusqu'à temps qu'à un moment donné, par la conscientisation, l'ajusteur se déconnecte et commence à flotter. Sauf que, bon, tout à l'heure, je posais la question à des individus. Si une personne répond totalement spontanément, même si c'est astral, on va être capable de récupérer... Ça va ressembler pas mal. Ah, ça va être bien correct. Et là, l'avantage qu'il y a, autrement dit, c'est que vous pouvez tirer... Bon, vous avez appris ce soir, c'est rapide, c'est une heure, on a une période de questions après, puis tout le... L'information est quand même enregistrée si on veut l'avoir. Vous avez vu que techniquement, les numérologues fonctionnent de quelle façon? Bon, il y en a évidemment qui se mettent des turbans et qui veulent mystifier. Les autres, ils font de l'occultisme. Hein? Puis ils vont occulter les choses, mais se mystifier. Il y a les ésotéristes qui ôtent le turban, mais ils chargent plus cher. Mais c'est quand même pas pire. Au moins, il y a une charge d'énergie. Et puis, il y a vous tout seul chez vous qui êtes capable de faire la même chose. Est-ce que tu peux le faire en inventant des mots aussi? Plutôt qu'inventer un chiffre. C'est parce que on s'en reparlera tout à l'heure à l'entraque. Je ne sais pas, tu compliques tout, tu es trop loin. Là. OK. Parce que là, ce qui est important, c'est qu'une personne a des choses plus fondamentales. Maintenant qu'on a sorti toutes nos cartes, là, puis qu'on a mis des symboles dessus, puis je t'ai tiré aux cartes, là, est-ce que je peux les garder pour faire un autre tirage demain matin? Ça, c'est une bonne question. Tu devrais poser la question-là. Ben, théoriquement pas, mais c'est pas moi. Elle répond pas. Okay. Elle répond. Ouais, non, parce qu'on évolue. Ces cartes-là, tu les mets aux poubelles. La symbolique qu'on a mis en deuxième niveau tout à l'heure, les mots, les significations que j'ai ramassées, c'est bon une fois. Puis un événement, un individu, ça n'allait pas, on n'aurait pas pu prendre les mêmes chiffres que quelqu'un d'autre? Pas pour faire de la numérosophie. Pas pour avoir accès. Voyez-vous, il y a des individus qui ont un ajusteur de pensée suffisamment fusionné à eux pour qu'ils puissent avoir accès à de l'information et être capables de communiquer directement par la parole. La majorité des personnes auront besoin d'un support. Leurs égos, étant un petit peu trop puissants, ne les autorisent pas encore à laisser couler l'énergie. Ils ne sont pas suffisamment transparents pour que ça sorte et ça les informe. Ou encore que ça les instruise. Puis encore mieux que ça les conscientise. Alors, ce qui va arriver, c'est que les personnes vont souvent avoir besoin d'un confirmateur. Ils vont, par exemple, venir me voir, me dire, « Bon, est-ce que ça se peut que j'aille vu des choses rouges dans ma chambre? » Bon, moi, je réponds, écoutez, avez-vous vu une chose rouge dans votre chambre? Ben oui. Ben, ça se peut. Tu sais, confirmateur. Confirme. Là, je dis, ah, je t'assure, c'est vrai. T'sais. Bon. C'est confirmateur. Des consultations qui sont compliquées. Ah, 50$, 50$. Puis, pensez à vous. Ouais, ça se peut. Suivant. Hein? Bon. Je dois avec une question. Ça, j'aime ça de même, moi, là. Je dois avec combien de questions? Un qu'une. Suivant. Bon, un autre. Tu sais, passe tout ça. Je peux-tu vous poser une question? Oui. Ah, parfait. Suivant, c'est ça. C'est bon. Ça va bien à ce temps-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'humain peut se servir de son corps physique. La technique du fasciolata, par exemple, pour connaître les problèmes de son ego. L'humain peut se servir de plusieurs petits supports. Et dans le passé, on s'en est servi. Il y avait les entrailles des animaux. Bon, c'est intéressant, mais c'est emmerdant pas mal. Ça sent le diable. Ouais, c'est ça, ça sent le diable. Et puis, après ça, l'humain s'est servi des marques de thé. Mais pour ça, il a fallu qu'attendre. Comment ça boit du thé? Avant, c'était les entrailles des ennemis, mais ça, t'en avais pas parlé. Non, je voulais pas. Et puis, après ça, il y a trop du monde pour manger les entrailles avant, puis manger le cœur avant qu'on puisse lire, parce que c'est compliqué. Le monde, il bouffait le cœur pour avoir le courage de l'autre. C'était le délire. Là, tu peux plus lire après ça, là. Et puis, les marques de thé, les tarots, la cartomancie, la géomancie avec les pierres à terre, c'est bon. Il y a eu après ça la météomancie, bon, les météores, les nuages, choses là, le vol des oiseaux, puis bon, un moment donné, il y a un enfant qui tombe sur la face, tu dis, ça va mal le matin, tu sais. Les pendules. Un guano. Ben, la radiesthésie, c'est ça. Ouais. Et toutes ces choses-là, c'est intéressant. La problématique, c'est qu'une personne, à un moment donné, qui a l'intuition de se servir de quelque chose. Et puis, dans le moment même où elle s'en sert, elle est totalement branchée sur elle-même, donc en contact avec son esprit, et elle a, non pas une révélation, elle appellera ça une révélation, elle a simplement un savoir d'une chose. Elle comprend. Pour elle, pour quelqu'un d'autre, pour un événement. Et puis après, elle en fait une technique. La problématique, c'est que la personne, à cause de son orgueil, va prétendre que la technique, si vous voulez que ça fonctionne, faites-le comme moi. Puis je suis le seul à pouvoir vous instruire d'eux. Ça fait qu'on créait des disciples. Plus tard, on a créé des clients. Et du disciple au client. C'est quand même mieux d'être client que d'être disciple, si vous dites en passant. Quand on est insatisfait, on est client, on s'en va. Quand on est disciple, on est insatisfait, on est bien mal pris. Parce que la béquille marche mal, mais on ne sait pas où aller. Tu sais, quand tu as besoin d'une chaise roulante, puis le pneu dégonflé, tu as besoin pareil, hein, ça marche mal. Quand tu es un client, c'est autre chose. Alors, progressivement, on en arrive à des technologies qu'on va détecter avec des techniques comme aujourd'hui, avec l'astrologie, qui est extrêmement complexe, avec souvent la numérologie, qui semble être extrêmement complexe. On en écrit des livres. Je n'écrirai pas grand-chose, moi, là, si je veux faire de quoi de net. Non. Mais est-ce que tant ou aussi longtemps que, ben là, on est dans le milieu, on est des êtres transitifs pour la plupart, qui sont régis un bout de temps par l'ego, puis régis de temps en temps par l'intelligence. Fait que là, l'astrologie, on peut s'y fier plus ou moins, la numérologie, plus quand ou moins, la numérosophie. On ne doit fier à rien de toute façon. Ouais. Mais on doit apprendre à être capable de ne pas douter chez nous de ce qui nous permet de reconnaître la réalité extérieure. Fait que moi, c'est pas la réalité, c'est pas par exemple à madame dans le fond là-bas que j'aurais confiance. Ou à monsieur, c'est pas ça. Faut que je n'ai pas de doute dans ma capacité de savoir ce qu'ils sont. Et là, on m'a dit, lui est correct, elle est correcte, etc., etc. Alors, la même chose au niveau des mancies. Tout à l'heure, quand je t'ai parlé, ce qui est au niveau, par exemple, de l'amour et du danger, ou encore quand on a parlé des deux dates, c'est passé des choses en dedans. Toi, tu es capable de savoir. Tu n'as pas de doute dans ta faculté de discerner dans la saveur de ce qui s'est passé. Oui. Et là, tu peux savoir si c'est vrai ou pas. C'est tout vrai. Oui, je sais. Bon. Alors, ça, c'est une chose que l'humain doit développer. C'est pas dans ce que je dis qu'il doit avoir confiance. C'est pas dans les chiffres qu'il doit avoir confiance. C'est dans la capacité de reconnaître ce qui se passe chez lui. Est-ce qu'on touche quelque chose de qui existe ou non? Parce que c'est là que ça devient vraiment utile. C'est là que ça devient initiatique. Il se passe de quoi? Parce que présentement, si on recommencerait les chiffres, probablement que ton amour serait moins destructeur. Effectivement. Ben oui, parce que maintenant que c'est révélé, t'es pas fou, tu t'en occupes. Puis l'humain, c'est la même chose ici. Quand on révèle un problème, il ne faut pas s'apitoyer sur le problème. Parce que vous n'êtes pas fou ni folle. On est relié de l'intelligence. Sauf qu'il y a un ego, un virus qui est bien caché. Puis à un moment donné, on fait quelque chose, puis on découvre une affaire. C'est bien, bien correct. Achetez-vous un MIUS parce que là, vous le voyez. Donc, c'était pas de plus en avant. Les gens, ils se dépriment à la place. Ah, je pensais pas que j'étais comme ça. Crime, t'as toujours été de même. Maintenant, tu le vois, c'était pas de plus. Puis, ça va se régler très rapidement parce que, inconsciemment, on s'en occupe. C'est ça que je trouve ça brillant, dans le sens que ça fait ressortir par en dessous, là, en hypocrite un peu par rapport à l'ego. Ah, l'ego, il s'attendait pas à ça. Quelque chose qui est en dedans, puis que lui, il ne révélera pas, puis qu'il ne révélera même pas en parlant, parce que même si tu réussis à être suffisamment réchauffé, puis être suffisamment connecté à l'ajusteur de pensée. L'ego est encore là pareil pour contrôler les mots qui vont sortir, la langue, la bouche, tout ça. Tandis que là, ben, c'est tu vas voir. Là, faut se servir des symboles, puis pas tout interpréter. On prend simplement, bon, on a dit telle affaire, on a dit telle chose. Là, ce qui va arriver, par exemple, c'est qu'on fait, mettons, une lecture. Puis quand je dis ça sert à la conscience, c'est que ça nous permet de trouver des parties de l'ego qui nous nuisent. Puis quand ils sont donc conscientisatifs. Quand ils sont identifiés, ils sont déjà à moitié. Ils sont, ouais, c'est déjà une grande... Sauf si tu protesterais. Oh, c'est pas vrai, ça a pire. Fais attention, parce que là, c'est ridicule de ne pas se servir d'une occasion comme ça pour s'en égoïser un petit peu. Et là, ce qui va arriver, c'est que au fur et à mesure qu'on fait ce genre de choses-là, les individus doivent bien comprendre que, bon, on arrive... je comprends pas trop ce que ça veut dire. Il manque des choses. Interprétez pas. Donne-moi un autre chiffre. Tu aurais un autre chiffre, on le met en dessous. Là, on va définir ce chiffre-là. On va additionner les deux chiffres. On va voir ce que ça va donner. On va arriver à, juste avec les 10 choses qu'on a dit, on va arriver à quelque chose. Si on n'arrive à rien, ben, prenons 22 chiffres, ou 30 chiffres, ou 40 chiffres, ça dépend des religions que vous avez. Hein? Bon, on prend plus de chiffres. On met plus de définitions. On commence la même affaire. Puis on va arriver à quelque chose qui est absolument parfait, qui va vous faire sauter. Ça va être révélateur chez soi. Et non instructeur, comme le sont les numérologies. On parle de numérosophie. Et là, ça peut réellement servir la conscience, parce que tu es seul chez toi, ça va pas ou ça va bien. Puis tu peux te faire un amanchure pour apprendre sur toi. On fait une petite pause, et puis vous avez des questions sur n'importe quel des sujets, vous les écrivez, Charles va les poser. Attends.